La cérémonie d'inauguration de l'école secondaire de Fangzhou pour orphelins de la province du Fang et du Nord a eu lieu le 26 courant. Y ont pris part les cadres intéressés, le personnel de l'école, les orphelins, les constructeurs et les travailleurs de l'arrondissement de Fangzhou. L'école est dotée des conditions suffisantes de l'enseignement et de la vie, comme les classes multifonctionnelles, le gymnase polyvalent, plus de 10 laboratoires et le pensionnat.